Vous écoutez Radio Croix en Jésus. Nous diffusons les enseignements bibliques liés à l'enlèvement de l'Église, et la Bible parlée. Na inazinga mina makila na yeo Utula moi kusi Yeah. Amen. Oh, Juan Aranjambe, sube.